إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين الأئمة المهديين. وبعد، فإن هذا الدرس سيكون إن شاء الله تعالى مسك الختام، أعني آخر ما ندرس من سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق شرف بالرسالة، وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons étudier le dernier passage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'homme, a une fin. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la mort sur l'ensemble des hommes, comme il nous le dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ces versets: toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Il nous dit également: tout ce qui est sur elle doit disparaître, tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seule restera la noble face, ou plutôt la face de ton Seigneur. Durant cette année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avant cela, jusqu'à l'an 10, l'an ou l'année de Hajjatul Wada', du pèlerinage d'adieu. Et la semaine passée, nous avons pris l'introduction à ce sujet des plus touchants, l'histoire de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du Hajj et il est resté le mois de Muharram, Al-Madinah, puis le mois de Safar jusqu'à Al-Rabi' Al-Awwal. Il sortait souvent visiter les martyrs de la bataille de Uhud, comme celui qui fait ses adieux. Il les visitait et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Il sortait aussi visiter les morts du cimetière de Médine, proche de sa mosquée Al-Baqi'a. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à être touché par de forts maux de tête, par de lourdes et grosses migraines, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut le commencement de l'histoire de sa maladie de mort. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de ses différentes épouses. Et il ne demandait pas explicitement à rester chez l'une d'entre elles. Mais lorsque la maladie s'est accentuée et que les douleurs avec, il leur a fait comprendre qu'il préférait être soigné chez Aïcha radiallahu anha. Et le point culminant de cette maladie, ou du début de cette maladie, fut le jeudi, ce fameux jeudi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait alors chez Maïmouna radiallahu anha. Et il disait souvent, Aina ana gadan, où serai-je demain? Aina ana gadan, où serai-je demain? Wa hakadha. Et il voulait à travers cela savoir combien de jours restait-il avant de se retrouver chez Aïcha radiallahu anha. Il avait donc de fortes migraines et de grosses fièvres, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce jour-ci, donc ce fameux jeudi, lorsqu'il tomba très malade, il demanda la permission à ses épouses de rester chez Aïcha radiallahu anha et de ne plus faire le tour de ses épouses comme c'était la base. Dans d'autres textes, on trouve que c'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionna cela aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, elles ont accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus la force suffisante pour marcher seul et sortir de chez Maïmouna pour aller chez Aïcha radiallahu anha, radiallahu anhuma. Alors, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, accompagné de l'Fadl ibn Abbas, donc ses cousins sont venus, et il est sorti de chez Aïcha, il est sorti de chez Maïmouna, pardon, radiallahu anha. Il y en avait un à sa droite et un à sa gauche. Et ils l'ont porté et il essayait de marcher. Mais très affaibli par sa maladie, il n'arrivait pas à se tenir debout. Et ils ont décrit la scène en disant que lors de son passage, on voyait des traces sur le sol. C'est-à-dire que ses pieds ont marqué le sol. Il traînait ses pieds, il n'arrivait plus à marcher, sallallahu alayhi wa sallam. Il souffrait tellement, et était tellement touché par la fièvre, qu'il a demandé à ses épouses, radiallahu anhun, de lui apporter ce qui pourrait ressembler au jour d'aujourd'hui à une baignoire, à un lavoir, mihbab. C'est un grand récipient dans lequel on peut mettre de l'eau pour laver des vêtements ou autre. Et Hafsa possédait cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses épouses d'apprêter cela et d'y verser 7 récipients d'eau. Et d'y verser 7 et récipient d'eau. Il souffrait tellement qu'il s'était accroché un vêtement ou un tissu autour du front. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on trouve qu'il leur a ordonné de remplir ce récipient d'eau. Puis il est entré dans ce récipient. Aïcha radiallahu anha nous mentionne qu'elles l'ont aidé à prendre place fil mihbab et qu'il appartenait à Hafsa radiallahu anhum. Elles n'ont cessé de lui verser de l'eau jusqu'à ce qu'il fît signe que cela était suffisant. Puis il a trouvé une certaine vigueur et a eu la capacité de sortir pour s'adresser aux gens. Car le but était de se renforcer et de pouvoir avoir la capacité de sortir vers les gens et de sortir à la mosquée. et vous vous souvenez que la cause de la maladie est en réalité, remonte en réalité à l'an 7 après l'Égypte, suite à l'ouverture de Khaybar, lorsqu'une femme empoisonna une bête qu'elle cuisina pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et elle mit beaucoup de poison dans l'épaule après avoir questionné sur la partie préférée du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il y a une grande sagesse dans cela. Le fait qu'il ne décéda pas au moment même, il y a une grande sagesse. Et le fait que des effets de cela le décéda, il y a une autre grande sagesse. Quant à la sagesse d'être préservé de la mort à ce moment-là, c'est que la religion n'avait pas été complétée. Et le message n'avait pas été parachevé. Alors Allah Azza wa Jalla l'a préservé pour compléter sa mission et la propagation du message. Quant au fait que ce soit une cause de son décès, c'est pour montrer à l'ensemble que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un humain et non pas une divinité digne d'être adorée avec Allah, et qu'il est sujet à la maladie et qu'il meurt comme meurent les hommes. Donc on ne doit pas l'adorer. Mais c'est plutôt un homme qu'Allah a anobli de par la prophétie, de par la révélation. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ لَكِنَ رَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ بَلْ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ. C'est un serviteur, on ne l'adore pas. Mais c'est un messager, on lui obéit. On ne le dément pas. On l'écoute et on lui obéit, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Je ne cesse de ressentir les effets de la nourriture que j'ai consommée à Khaybar. C'est-à-dire que tout ce temps-là, il a patienté sallallahu alayhi wa sallam. فهذا أواني وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Il informait en disant: et l'heure est venue, et l'heure est venue, j'ai trouvé le point culminant de cette affaire, ou plutôt yani la coupure de cette veine. Yani Abhari, c'est une veine qui est reliée au cœur. Il mentionnait sa douleur, il mentionnait l'effet du poison. Et il informait qu'à travers cette maladie, s'en suivra son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on trouve que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait: La an ahlifa tis'an bi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qutil, قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه disait: Il m'est préférable de jurer à 9 reprises que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné plutôt que de jurer une seule fois qu'il ne l'a pas été. Et ceci car Allah Azza wa Jal a voulu lui accorder le rang de martyr. Et ceci car Allah Azza wa Jal a voulu lui accorder, en plus du rang de la prophétie, le rang de martyr, pour le prendre en tant que martyr. Et dans le recueil d'Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, toujours on trouve que Ummul Mubashir est entrée auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie de mort. Elle a dit: Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Je donnerai ma mère et mon père en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Ma tattahimu bi nafsik fa inni la attahimu illa at-ta'ama alladhi akalta bi Khaybar. Puis cette femme-là, Ummu Mubashir, lui a dit: ne cherche pas une autre cause. Et sans aucun doute, la cause de ton état est la nourriture que tu as mangée après Khaybar, ou bien Khaybar. Et Umm Mubashir est la mère du sahabi qui a goûté de cette nourriture puis qui est décédé. Donc elle lui a dit, tout comme mon fils est décédé des suites de cela, ton état est dû aussi à cette viande empoisonnée. C'est la mère de Bishr ibn al-Bara. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'est pas décédé des suites de cette nourriture directement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et moi également je pense comme toi, que mon état est dû à cette viande consommée à Khaybar. Et de cela il y a une grande leçon, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ya'lamul ghaib, il ne connaît pas les choses de l'invisible, il ne connaît pas les choses du futur, mais c'est un serviteur et messager d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah. Dit, nul ne connaît, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, les choses de l'invisible, si ce n'est Allah. Et s'il avait eu connaissance de cela, il aurait évité cette viande. Mais seul Allah Azza wa Jal connaît les choses de l'invisible et le futur. Lorsque Aïcha radiallahu anha voyait le prophète alayhi salatu wassalam dans cet état, son cœur se fendait. Et elle faisait tout pour lui être profitable et soulager ses douleurs. Alors elle prenait le prophète alayhi salatu wassalam près d'elle, wa kanat turqi, elle lui faisait ruqya. Elle lui faisait ruqya. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, quand il ressentait des douleurs, il récitait, ou on lui récitait le mu'awwidhatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Parmi les meilleurs sourds pour faire le ruqya, après le fatiha, il y a qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Lorsqu'il était encore en état, il se faisait ruqya lui-même. Il récitait « Qul a'udhu bi rabbil falaq »« Qul a'udhu bi rabbin nas » Il poussionnait, s'essuyait. Ou se poussionnait dessus, se crachotait dessus. Aïcha radiallahu anha nous dit « Falamma ishtadda waja'u » Lorsque les douleurs se firent plus intenses, elle dit « Kuntu aqra'u alayhi » C'est moi qui par la suite lisais sur lui. C'est moi qui par la suite lisais sur lui. Puis elle nous dit, radiallahu anha, wa amsahu biyadayhi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui lisait dessus, elle poussionnait. Mais au lieu d'utiliser ses mains, elle prenait les nobles mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raja'a barakatihima. En espérant la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla à travers elle, parce que le prophète est mubarak, il est béni. Donc les mains du prophète alayhi salatu wassalam sur lui-même sont meilleures que les mains de Aïcha radiallahu anha sur lui. Alors elle lui faisait ruqya, elle lui restait le Coran, elle faisait du'a, l'homme rabbanna, ça devait le bas, je fais un tashafi. Mais en utilisant les mains du prophète alayhi salatu wassalam, espérant ainsi cette bénédiction. Ce fameux jeudi, le prophète alayhi salatu wassalam, pris de fortes douleurs, de grosses migraines, a dit aux sahaba, apportez-moi des feuillets, apportez-moi des feuilles, apportez-moi de quoi noter, afin de ne plus jamais vous égarer après moi. Mais les compagnons ont divergé. Certains ont dit « Hasbuna kitab Allah », le livre d'Allah nous suffit. Ne voyez-vous pas l'état du prophète alayhi salatu wassalam? Il est trop faible. Parce qu'ils ont su que ce qu'il allait leur recommander avait été complété déjà dans la religion. Et que c'est forcément dans le Coran. Donc certains ont dit, Hasbuna kitabullah. Le livre d'Allah nous suffit. Et d'autres ont dit, apportez-lui ce qu'il demande. Faites ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande. Et ils n'ont cessé de se disputer sur cette affaire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, da'ouni, fa inna alladhi ana fi khayrun min alladhina, ou min alladhi antum fi. Laissez-moi et éloignez-vous. Car ce dans quoi je suis est meilleur que ce dans quoi vous êtes. Le prophète sallallahu n'a pas apprécié leur divergence. Et la divergence, c'est mal. Mais en réalité, chacun a fait un effort d'interprétation. Et chacun s'est soucié, en réalité, de la tranquillité et de la difficulté subie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il leur a dit, je vous recommande trois choses. Les deux premières ont été mentionnées. Et la troisième n'a pas été mentionnée ou elle a été oubliée, comme a dit Abdullah ibn Abbas. Et ce jeudi, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers ses compagnons après qu'on lui aidait à se, on l'ait aidé à se laver dans la baignoire. Il est sorti vers les gens, s'est mis sur le minbar à louer Allah subhanahu wa ta'ala et a dit, Ayyuhan nas, ô vous les gens, inna Allah khayyara 'abdan bayna an yu'tiyahu zahrata ad-dunya ma sha'a wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah fabaka Abu Bakr wa qala fida fadaynaka bi abi aw bi aba'ina wa ummahatina ya rasul Allah. قال راوي الحديث أبو سعيد رضي الله عنه انظروا إلى هذا الشيء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وهو يقول ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aux compagnons, certes Allah a donné le choix à l'un de ses serviteurs entre le fait de lui accorder les parures de son bas-monde, le temps, les parures de ce bas-monde, le temps qu'il le voudra. Et entre le fait de choisir ce qui se trouvait auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui se trouvait auprès d'Allah. Alors Abu Bakr, radiallahu anh, a fondu en larmes. Et a dit au messager d'Allah, on donne pour toi nos pères et mères en rançon. Abu Saïd, le rapporteur du hadith, radiallahu anh, nous dit, regardez cet homme âgé, le prophète sallallahu, en parlant d'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait qu'informer d'un homme à qui Allah a accordé le choix entre telle et telle chose. Et voici que cet homme dit, nous donnerons pour toi en rançon nos pères et mères au messager d'Allah. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya Abu Bakr, la tabki. Oh Abu Bakr, ne pleure pas. Oh Abu Bakr, ne pleure pas. Et Abu Saïd dit, فَكَانَ أَعْلَمَنَا. Lorsqu'ils ont compris par la suite qu'il s'agissait du messager sallallahu alayhi wa sallam en personne, il a dit, subhanallah, en effet, Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce serviteur en question était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Abu Bakr, ne pleure pas. Inna amanna an-nasi alayhi fi suhbati wa malihi. Abu Bakr. Wa inni abra'u ila Allah yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a le plus de grâce dans ce qu'il m'a apporté comme bien, de par sa compagnie et de par son argent, est Abu Bakr. Et je me désavoue auprès d'Allah de prendre parmi vous une personne en l'aimant au plus haut niveau de l'amour. Yani le prendre en tant que Khalil. Al-Khulla, c'est le niveau le plus haut de l'amour. Le prophète sallam a dit, j'ai pris personne en Khalil parmi vous. Car Allah m'a pris moi et m'a élu en Khalil. Il m'a pris en Khalil. Ce plus haut niveau, c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a accordé. Tout comme il l'a accordé auparavant à Ibrahim. Alayhi wa ala nabina salatu wa salam. Et écoutez la suite. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَخْتَخَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Et si j'en avais choisi un parmi vous, j'aurais choisi Abu Bakr en tant que Khalil. لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne laissez aucune ouverture de vos maisons en direction de la mosquée. Yani sans la fermer, sauf la porte de Abu Bakr. C'est-à-dire qu'ils avaient des appartements, ils avaient des maisons, et certaines portes donnaient sur la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fermez-les tous, toutes, sauf celle de Abu Bakr. Sauf celle de Abu Bakr. Et dans cela, il y avait un signe que Abu Bakr allait avoir une place très importante après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on voit clairement que Abu Bakr est le meilleur de la communauté. On voit que Abu Bakr est le meilleur de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des prophètes. Il a également dit aux compagnons, Allah, إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدٍ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, sachez qu'auparavant, ceux qui vous ont précédé, prenez les tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints en lieu de prière. Quant à vous, ne le faites pas, ne prenez pas les tombeaux des prophètes et des personnes pieuses en lieu de prière et de recueillement. Ô vous les gens, sachez que le nombre de la communauté va augmenter. Les gens vont se multiplier, vont augmenter en nombre. وَيَقِلُّ الْأَنْصَارِ. Et les Ansar, les habitants de Médine, les secoureurs du dîn, leur nombre à eux va diminuer. Puis il a fait des recommandations pour les Ansar. Mais celui qui a un pouvoir quelconque ou une responsabilité qu'il accepte de ceux qui feront le bien parmi eux et qu'il passe outre devant ceux qui auront des fautes parmi eux. On voit ici ô combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand conseiller de sa communauté. Dans ses derniers instants de sa vie, il met en garde contre les causes du shirk. Contre le fait d'exagérer sur les saints, sur les pieux, parce que c'est une porte qui mène au shirk. Alors qu'il est dans sa maladie de mort, il n'est pas distrait de l'appel au tawhid. Et de là tu vois que celui à qui Allah a donné science, le savant, le prêcheur, celui qui a étudié, il doit dans ses derniers instants recommander à ceux qui l'écouteront de s'éloigner du shirk, de s'éloigner des bid'ah, des innovations et appeler les gens au tawhid. C'est la plus grande recommandation à faire avant le décès. On voit ici également le mérite des Ansar. Le mérite des Ansar, le Prophète sallam dans ses derniers instants fait les éloges des Ansar et il fait des recommandations pour les Ansar. Ces recommandations ont eu lieu 5 jours avant son décès, comme c'est venu dans lequel il m'a muslim, selon Jundub, radiallahu anhu, 5 jours avant de décéder, il leur a fait ses recommandations. Et il est décédé le lundi. Donc c'était le jeudi. L'habitude de ses épouses dans sa maladie de mort était de se réunir à son chevet auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha et les autres. Et Fatima le visitait régulièrement et restait auprès de lui également. Elle s'occupait de lui, elle faisait dua pour lui. Et elle souffrait selon ses souffrances. Ou suite, ou bien des causes de ses souffrances, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait des recommandations à sa fille Fatima. Et il lui disait, Fattaqillah wasbiri. Il lui disait, crains Allah et patiente, endure. Ainsi, il convient au défunt, avant son décès, de faire des recommandations à ses épouses et à ses filles et à ses enfants de manière générale. Alors qu'il était dans cet état, deux de ses épouses se sont rappelées une scène vécue à Al-Habasha. Umm Habiba, radiallahu anha, et Umm Salama, radiallahu anha, ont dit, en racontant cela dans leur assise, qu'elles ont vu en Éthiopie, fil Habasha, une église parée de toutes sortes de dessins et de représentations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oulaiki, idha kana fihim ar-rajul salih, famata banaw ala qabri masjida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voyez-vous ces gens-là? Lorsqu'un homme pieux décède chez eux, ils construisent un édifice sur leur tombe. Ils construisent un édifice sur leur tombe et en font une mosquée. Ou un lieu de recueillement, un lieu de prière. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ سُوَرُ. Ils représentent ces images sur cet édifice. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit أُولَٰئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ. Ces gens-là sont les pires des créatures chez Allah le jour dernier, le jour de la résurrection. Ces gens-là qui font les causes pour que les gens tombent dans shirk après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe et dit, sont les pires des gens yawm al-qiyam. Que dire alors de ceux qui viennent et adorent les saints et les morts, comme tu peux trouver dans certains endroits. Subhanallah. Dans sa maladie de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, et tu trouves des ignorants. Dit, pourquoi est-ce qu'on va mettre en garde contre le shirk des tombeaux? Le shirk des saints, ceci n'existe plus. Allahu Akbar. Dans sa maladie de mort, le Prophète sallam accorde la plus haute importance et considération à cette affaire. Puis tu trouves l'ignorant, celui qui pense que la voix du Prophète sallam est meilleure et plus sage dans le prêche, dans certaines minorités, sur la terre d'Allah Azza wa Jal, tu entends dire ces énormités. Wa inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. Dans sa maladie de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait la plus haute importance à la prière, à la salat, qui est le deuxième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, Asallan nas, est-ce que les gens ont prié? Faqalu la ya Rasulallah wa hum yantadhirunak. Ils lui ont dit non au messager d'Allah et ils t'attendent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mettez-moi de l'eau dans le lavoir, dans la baignoire. Et ils l'ont aspergé d'eau. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallam nous a ordonné d'apporter le lavoir et de mettre de l'eau. Elles ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il s'est levé, il s'est évanoui. Lorsqu'il se réveilla, il a dit, Asallan nas, est-ce que les gens ont prié? Ils lui ont dit non, ô messager d'Allah, les gens t'attendent toujours. Alors il leur a dit, mettez-moi de l'eau dans le lavoir. Et ils se sont exécutés et ils l'ont lavé. Puis lorsqu'il a retrouvé quelque vigueur, il s'est levé et à nouveau il s'est évanoui. Lorsqu'il se réveilla, il a dit, est-ce que les gens ont prié? On lui a dit non, messager d'Allah, et ils t'attendent. Il leur a dit, apportez-moi de l'eau, pour la quatrième fois, apportez-moi de l'eau, mettez-moi dans le lavoir. Et lorsqu'il est parti pour sortir, une quatrième fois, il s'est évanoui, subhanallah, à quatre reprises. Il leur demande cela, en espérant retrouver une certaine vigueur, qui lui permettra de se lever pour sortir à la salat, en groupe au masjid. Subhanallah. Ça c'est la considération de l'islam, en islam de la prière au masjid. Dans ces derniers instants, le prophète alayhi salat wa salam nous montre une leçon de vie et ce qui mérite d'avoir la plus grande importance dans nos cœurs. As-salat. Suite à cela, lorsqu'il s'est vu dans l'incapacité de sortir présider la prière, il a dit, oh Aïcha, ordonnez, ou bien l'adimuru Abu Bakr falyusalli bin nas, ordonnez Abu Bakr de présider la prière pour les gens, de faire l'imam pour les gens. Alors Aïcha a dit à Rasulallah, oh messager d'Allah, Abu Bakr est un homme très sensible, lorsqu'il lit le Coran, on n'entend pas sa récitation, tellement il pleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière pour les gens. Et Aïcha insistait et révisait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit, inna kunna ka sawahib Yusuf, vous êtes telles celles qui ont été éprises de Yusuf. Pourquoi est-ce que Aïcha disait au prophète sallallahu, oh, message d'Allah, Abu Bakr est un homme très sensible. Ordonne plutôt à Omar de faire la prière. Parce qu'en réalité, elle avait peur que le prophète décède des suites de cette maladie et que son père soit le premier à avoir fait l'imam avant sa mort. De telle manière à ce qu'il soit mal vu après. Et qu'on n'aime pas l'imamat de Abu Bakr, car ça leur rappellera cette situation, que le premier à avoir pris cet emplacement dans la maladie qui a précédé la mort du prophète sallam fut qui? Abu Bakr. Alors elle a voulu éloigner son père de ce poste. Et il a dit, vous êtes telles celles qui ont été prises de Yusuf. Celles qui ont été prises de Yusuf, on dit à l'épouse de l'Aziz, où on dit en parlant de l'épouse de l'Aziz, qui avait succombé à la beauté de Yusuf et avait tenté de le faire tomber dans le péché, elles ont dit, تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et comment est-ce qu'elle essaye de soudoyer son valet? Elle est, c'est noble, c'est la femme du gouverneur. En général, elle ne tombe pas dans ça, avec son propre servant. Nous la voyons certes dans un égarement évident. C'est dans le surat Yusuf. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِسِكِّينَ وَقَالَتْ. نعم. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a entendu leur manigance? Elle a ordonné à Youssouf de sortir vers elle, de passer. Et chacune était adossée à un oreiller. Elle a donné à chacune un couteau. Et lorsqu'il est sorti, devant sa beauté, on nous mentionne qu'elles coupèrent leurs mains. Celles-ci sont Sawahib Youssouf. Quel est le lien entre Aïcha et Sawahib Yusuf? C'est qu'Aïcha a mentionné une chose en cachant une autre. Elle a mentionné le fait de ne pas désigner Abu Bakr pour faire l'imam parce qu'il est sensible, en cachant une autre chose. C'est éloigner son père de ce rang. Et Sawahib Yusuf, on dit, honte à elle. Elle a succombé à la beauté de son valet alors que c'est la femme de l'Aziz. Et en réalité, c'était un complot pour que la femme de l'Aziz dise à Youssouf, passe auprès d'elle. Vous allez voir. En vrai, elle voulait le voir, Youssouf. Donc elles ont dit une phrase en en cachant une autre. C'est en cela qu'il y a un lien entre Aïcha radiallahu anha, notre mère, et les femmes qui ont été prises de Youssouf, alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé qu'autre que Abu Bakr soit l'imam. Et dans cela, à nouveau, il y a le mérite d'Abu Bakr. Et le fait que c'est le meilleur de la communauté. Et c'est une annonce cachée de son califat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens sont venus à la mosquée pour dire à Abu Bakr de préciser la prière, ils ne l'ont pas trouvé. Mais ils ont trouvé Omar. Alors ils ont dit à Omar, préside la prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la voix d'Omar, il a dit, il ne convient pas qu'une personne se mette devant Abu Bakr. Il a refusé ça. Dans un autre texte, on a dit à Abu Bakr de faire la prière, il a dit, oh Omar, préside la prière. Et Omar lui a dit, non, tu es plus en droit à ce poste. Donc c'est Abu Bakr qui présidait la prière. C'est Abu Bakr qui faisait l'imam pour les musulmans dans la maladie de mort qui a précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Zam'a est donc entré à la mosquée, il n'a pas trouvé Abu Bakr, il a dit à Omar de présider la prière. Le prophète sallam s'est mis en colère. Alors Omar a appelé Abdullah, il lui a dit, est-ce que le prophète sallam ne t'avait pas ordonné de me dire de présider la prière? Il lui a dit non. Il m'avait dit de dire à Abu Bakr, mais lorsque je ne l'ai pas vu, eh bien il m'avait dit d'ordonner à une personne. Soit il n'avait pas mentionné Abu Bakr, soit il a mentionné Abu Bakr, mais du fait qu'il ne l'a pas vu, il a dit à Omar. Et Omar s'est énervé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus sortir cela avec grande difficulté. Et Aïcha nous a même décrit à deux reprises les marques des pieds du prophète alayhi salat wa salam sur le sol lorsqu'ils l'ont sorti pour venir chez elle et lorsqu'ils l'ont sorti pour aller à la mosquée. Sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que c'était la prière du Zohar, le vendredi, la prière du Zohar, ce jeudi-là. Puis le prophète alayhi salat wa salam, sa maladie a encore passé un autre palier. Et malgré ses grandes douleurs, il disait aux gens, très souvent, ahsinu dhanna billah, ayez toujours une bonne opinion d'Allah. Allahu Akbar. Et il souffre. Il est dans sa maladie de mort. Et malgré ça, il éduque sa communauté à toujours avoir une bonne opinion d'Allah dans l'épreuve. Toujours avoir une bonne opinion d'Allah avant de décéder. Toujours avoir une bonne opinion d'Allah dans les douleurs les plus intenses et les plus difficiles. Alors que Aïcha disait, ma ra'aytu ahadan ashadda 'alayhi al-waja' min rasulillah. Je n'ai jamais vu une personne souffrir plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle disait, فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ بَعْدَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Elle disait, je ne détesterai plus jamais les affres, ou plutôt, les affres de la mort pour une personne après ce que j'ai vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ce que j'ai vu sur lui, je ne détesterai plus sur une personne la difficulté de la maladie de mort. Abu Saïd décrit cette scène. La difficulté que le subissait le prophète sallam et dit, je suis entré chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait. Et j'ai posé ma main sur lui au-dessus de ses vêtements. Sur ses vêtements, pas sur sa peau directement. Wa wajadtu fa wajadtu harrahu bayna yaday. Il dit, j'ai posé ma main sur lui, au-dessus de ses vêtements. Et malgré cela, j'ai trouvé la chaleur de son corps sur ma main. J'ai trouvé la chaleur de son corps sur ma main. Puis il lui a dit, Ya Rasulallah, ô combien tu souffres. Ô messager d'Allah, ô combien la fièvre est difficile sur toi. Il lui a dit, Inna kadhalik. Il lui a dit, il en est ainsi sur nous, c'est-à-dire les prophètes et les plus pieux. Et ceci qu'a la difficulté nous est décuplée et la récompense avec. La difficulté et l'épreuve nous est décuplée et la récompense avec. Ceux qui souffrent le plus sont les prophètes. Puis ceux qui se rapprochent le plus d'eux dans la piété. Mais la récompense est avec ou va avec. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit, nous sommes entrés chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il souffrait énormément, il prenait un vêtement, il le mettait sur son visage, puis il enlevait, et il disait, qu'Allah maudisse les gens du livre, et ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes en lieu de prière. Il met en garde contre ce qu'ils ont fait. Ici en réalité, il avertit la communauté contre le fait d'exagérer sur les prophètes, d'exagérer sur les pieux et les saints, car c'est une des plus grandes causes qui fit tomber les gens dans le polythéisme, et c'est la cause de la naissance même du shirk dans le peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. Une grande leçon ici, accorder la plus grande importance à l'appel de l'islam pur, à la sincérité, au monothéisme pur, au tawhid, et la mise en garde contre les innovations et le polythéisme, et cela jusqu'au dernier souffle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait plus à sortir de chez lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens de sa famille, lorsque ses épouses ont vu son état, ils ont voulu lui faire avaler des médicaments sans qu'il s'en rende compte. Sans qu'il ne s'en rende compte. Aradu an yaluddu. C'est lorsque tu mets les médicaments au malade sans qu'il s'en rende compte. Parce que tu sais qu'il ne va pas les accepter au goût. Alors ils ont mis dans sa bouche des médicaments sans qu'il s'en rende compte. Aïcha dans lequel Bukhari Muslim radiallahu anha nous dit, ladadnahu fi maradi. Nous lui avons mis ses médicaments dans sa maladie de mort. Alors qu'il nous faisait mine ou signe de ne pas le faire. Mais eux ont pensé que c'était le rejet naturel du malade devant les médicaments. Le malade n'aime pas les médicaments. Donc eux ils se sont dit, c'est pareil ici. Donc on va quand même lui donner, sans qu'il ne s'en rende compte. Il s'évanouit un moment. Lorsqu'il se réveilla, il leur a dit, « Alam anhakum, alla taludduni, ne vous avais-je pas interdit de me faire prendre ces médicaments en dehors, yani indépendamment de ma volonté ?» Qalu ya Rasulallah karahiyatul marid lid-dawa. Nous avons pensé que c'était la réticence naturelle du malade devant les médicaments. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yabqa ahadun fil bayt illa nudda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne sorte d'ici sans qu'on lui mette les médicaments dans la bouche. Naam. Tous ceux qui ont participé à cela, faites-leur la même chose, illa al-Abbas. Puis il a dit sauf al-Abbas parce qu'il n'a pas assisté à cela avec nous. Et il était présent, mais il n'était pas là lorsqu'ils ont fait cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa al-Abbas fa innahu lam yashhadkum sallallahu alayhi wa sallam. Lui est passé le vendredi, et probablement que c'est Abu Bakr qui a fait la khutbah du Jumu'ah, car le prophète sallam n'arrivait plus à sortir. Puis le samedi, puis le dimanche, et nous arrivons au matin, au fajr, du lundi. Au Fajr du lundi. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal. Anas radiallahu anhu nous dit: alors que les musulmans priaient la prière du Fajr derrière Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert la lucarne de chez lui qui donnait sur la mosquée, de chez Aïcha. Il y avait une ouverture, comme on dirait une petite fenêtre. Comme on dirait une petite fenêtre. Il y avait un rideau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert ce rideau. Alors que les gens étaient en rang. Alors que les gens étaient en rang, en train de prier la prière du Fajr derrière Abu Bakr. Anas ibn Malik nous dit: alors, nous vîmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont ressenti sa présence et ils l'ont vu. Et il dit: subhanallah, ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Il dit: son visage était tel une feuille de mushaf. C'est-à-dire, dans sa beauté, c'est-à-dire dans sa pureté, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans sa luminosité, et ainsi de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam tabassam wa dhahik. Il a souri et il a ri. Il a souri et il a ri. Lorsque Abu Bakr a su cela, il a reculé pour rentrer dans le rang, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir et présider la prière. Comme il l'avait fait auparavant dans sa maladie, Abu Bakr était rentré dans le rang et le prophète sallam était venu. Puis Abu Bakr était resté à côté de lui. Le prophète sallam a prié assis, Abu Bakr debout. Le prophète sallam est donc devenu l'imam. Abu Bakr prenait en exemple le prophète sallam et faisait la prière, et les musulmans prenaient en exemple Abu Bakr. Abu Bakr a pensé qu'il allait faire la même chose et qu'il allait mieux. Donc il a voulu reculer, na'am, et rentrer dans le premier rang. Mais le prophète sallam leur a fait geste de continuer leur prière. Il leur a fait geste de continuer leur prière, puis il a relâché, refermé le rideau. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri? Il a ri. Subhanallah. Les savants expliquent. Et il me revient une parole de l'imam al-Nawawi dans le Sharh de Sahih Muslim. Et les savants également expliquent que ce sourire et que cette grande joie était le fruit de ce qu'il a vu. Min ijtima'il muslimin ala ta'atillah wa ra'a imamihim ala ibadatin jalilatin azima as-salah. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri. Et c'était un sourire d'adieu en réalité, de par ce qu'il a vu comme magnifique paysage lorsqu'il a vu sa communauté réunie dans une adoration qui plaît à Allah, lorsqu'il a vu sa communauté réunie derrière leur imam Abu Bakr pour la prière du Fajr à la mosquée du Prophète. C'est pour ça qu'il a souri, c'est pour ça qu'il a ri, parce qu'il a vu la communauté unie dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, derrière leur imam, derrière le futur calife, Abu Bakr As-Siddiq, radiallahu anhu. Il leur a donc fait geste de continuer la prière. Al-Shir Abdurazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, nous dit: Huna manzarun bahij, ajibun, fanzur. فنظر ماذا فنظر خلات عظيم للغاية وهو نظرة الوداع. الشيخ عبد الرزاق nous dit: regardez cette dernière vision du prophète sallam de ses compagnons. Il nous dit: cette vision étonnante, cette vision éternelle, cette vision immense au plus haut point, qui en réalité était un regard d'adieu. Était un regard d'adieu. Il a regardé les compagnons unis dans la prière du Fajr derrière Abu Bakr dans sa mosquée. Puis le prophète sallam est rentré chez lui, ou bien il a refermé le rideau. Naam. Et ce fut son dernier sourire adressé aux compagnons, sa dernière vision des compagnons. Cette vision, elle ne doit pas se séparer de nous. Et on doit en tirer les plus hautes, les plus grandes leçons et les plus sages. Ô toi qui aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu ce qui l'a fait rire une dernière fois, sourire une dernière fois? C'est la prière à la mosquée. C'est la prière à la mosquée. C'est l'union des musulmans. Celui donc qui aime Allah et son messager doit accorder la plus grande importance à la prière. Celui donc qui aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam doit préserver autant que possible les prières à la mosquée. Et c'est ainsi qu'étaient les premières générations avec la prière du Fatwa. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il des dernières générations? Où sommes-nous du sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fanas'alullaha arhamar rahimin. الغفار الغفور أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. On trouve également parmi les dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir As-salah wa ma malakat aymanukum. Prenez soin de la prière. Attention à la prière. Parmi ces dernières recommandations, comment se fait-il qu'on trouve plaisir à dormir à cette heure-ci, alors que c'est la cause du dernier sourire et rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons, lorsqu'ils ont vu ce sourire du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont pensé qu'il allait mieux. Ils ont pensé qu'il allait sortir, qu'il allait guérir sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient loin de se douter que c'était un sourire d'adieu. Fatima, radiallahu anha, est entrée chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maladie, des suites de laquelle il décéda. Elle est rentrée, a dit, wa karba abata, oh combien mon père souffre, il souffrait énormément. Et elle s'est mise sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la karba li abiki ba'da al-yawm. Ton père ne souffrira pas après ce jour. Et avant ça, elle est entrée chez lui et il a dit marhaban bibnati. Et ceux qui ont rapporté le hadith ont dit subhanallah, sa démarche ne divergeait en rien de la démarche du prophète sallam. Elle marche exactement comme lui, la même démarche. Elle est entrée, il a dit marhaban bibnati wa ajlasaha bi jambi. Que soit venue ma fille, et il l'a fait s'asseoir à ses côtés. Il y avait ses épouses. Mais il a fait asseoir Fatima à ses côtés. Et elle pleurait sur lui, elle disait, oh, combien mon père souffre. Fasarraha, il lui a dit en secret. Fabakat, elle pleura. Thumma sarraha, marratan thaniya, fadahikat. Puis il lui a tenu un second secret et elle a ri. Par la suite, Aïcha lui a dit, que t'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu as pleuré et ri? Elle lui a dit, jamais je ne dévoilerai le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès, elle est retournée voir Fatima. Et il lui a dit, je te somme de m'informer de par le droit que j'ai sur toi de ce que t'a dit le messager d'Allah. Elle lui a dit, maintenant oui, je te dirai. Maintenant oui. Lorsque tu m'as vu pleurer la première fois, suite au premier secret, il m'a dit que Jibril avait pour habitude de me lire le Coran une fois par an et là il me l'a lu deux fois. Il me l'a exposé à deux reprises et je ne vois en cela qu'un signe proche de ma mort. Je vais mourir. Alors j'ai pleuré. Puis, il m'a dit que je serai la première à le rejoindre. Dans d'autres textes, n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes du paradis ou de la communauté? Alors j'ai ri comme tu m'as vu rire. Alors j'ai ri comme tu m'as vu rire. Et en effet, comme il l'a informé, comme il lui a dit, elle décéda 6 mois après le décès du prophète, alayhi salatu wa salam. Et dans la version de l'imam muslim, « Wa ni'ma salaf analak » Et quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Et quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Et elle disait, « Oh, combien mon père souffre !» Il disait, « Ton père ne souffrira plus après ce jour. » Puis on arrive au moment du lever du soleil, à l'heure de Doha, à l'heure de Ed-Doha, en ce jour de lundi, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était chez Aïcha. Elle nous dit qu'il était allongé sur elle, et qu'il avait sa tête entre son menton et sa poitrine, sous son épaule, sous sa clavicule. C'est-à-dire, il était sur sa partie supérieure, il avait sa tête posée sur Aïcha, la partie supérieure de son corps. Et il ne pouvait plus parler. Il n'avait plus la force de s'exprimer. Aïcha nous dit, c'est alors que Abdurrahman ibn Abi Bakr est entré. C'est-à-dire, le frère de Aïcha est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait son siwak. Abdurrahman avait son siwak et l'utilisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le siwak et l'a suivi du regard. Et Aïcha, cette épouse modèle, Aïcha, cette épouse préférée du prophète alayhi salatu wa sallam, celle qui a enduré jusqu'au dernier souffle du prophète sallam à s'occuper de lui dans sa maladie de mort, à un point tel qu'elle est devenue savante de la médecine, et on lui a demandé, mais comment est-ce que tu as appris cela? Elle a dit, dans sa maladie de mort, je m'occupais tellement de lui, que chaque fois qu'il y avait une délégation extérieure à Al-Médina, à la ville, au pays, je leur demandais des remèdes. C'est ainsi qu'elle a appris la médecine. Alors que le prophète sallam était sur elle, et qu'elle s'occupait de lui, Abdurrahman est entré en utilisant un siwak, qu'il a suivi le siwak du regard, Aïcha a su de ce qu'elle connaissait du prophète alayhi salatu wassalam qu'il aimait le siwak. Et que c'était celui qui nous disait, As-siwak mardatun lil-rab, matharun lil-fam. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, le siwak, le bâton d'arak avec lequel on se frotte les dents, c'est la satisfaction du Seigneur. Ça cause la satisfaction du Seigneur. Et la purification de la bouche. Et elle savait qu'il aimait cela. Et de là, tu vois l'intelligence de l'épouse qui sait ce que l'époux aime et n'aime pas. Et qui s'empresse avant sa demande de remplir ce qui cause sa satisfaction. Connaissant sa place en islam et connaissant l'agrément d'Allah de par l'agrément de l'époux. Et qui te dira qui est Aïcha radiallahu anha? C'est la femme qui a dépassé le niveau des hommes radiallahu anha. Le prophète sallam n'arrivait plus à parler. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a su qu'il aimait le siwak, A'akhudhuhu lak, veux-tu que je te prenne le siwak? Veux-tu utiliser le siwak? Aimerais-tu utiliser le siwak? Veux-tu que je te le prenne? Il lui a fait geste que oui. Alors elle a pris le siwak à Abdurrahman, son frère. Puis elle lui a donné, mais il était trop dur. Parce qu'il n'avait plus la force de le mâcher, de le mordiller et de l'utiliser. Alors elle lui a dit, veux-tu que je te le morde? Veux-tu que je te le rende plus malléable? Plus facile à l'utiliser? Il lui a fait geste que oui. Alors elle l'a pris, elle l'a cassé. Et elle l'a mordu. Elle l'a frotté pour qu'il devienne doux. Puis elle lui a donné. Et le prophète sallam, istanna staka, s'est frotté les dents avec. Un point tel que Aïcha radiallahu anha nous dit, je n'ai jamais vu utiliser le siwak meilleur ou pareil que ce jour-là. C'est-à-dire qu'il vraiment essaie de frotter les dents avec de la meilleure façon et avec, yani en prenant soin de faire cela. Sallallahu alayhi wa sallam. فَمَرَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اسْتَنَّسَ اسْتِنَانًا قَدْ أَحْسَنَ مِنْ. Elle a dit, je n'ai jamais vu faire cela d'une meilleure façon que ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à ses côtés un petit récipient dans lequel il mettait sa main. Puis il se mettait de l'eau et il essuyait son visage. Et il disait, La ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Inna lil mawti sakarat. Allahumma a'inni ala sakaratil mawt. Il disait, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Certes, la mort a des affres. Certes, la mort est accompagnée de lourdes difficultés, des affres de la mort. Oh Allah, aide-moi dans les affres de la mort. Puis Aïcha radiallahu anha a entendu des murmures, a entendu dire des choses. Et il a dit, Ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiq. Aïcha radiallahu anha nous dit, puis je l'ai entendu dire, et vous imaginez son état, et comment est-ce qu'elle a dû déchiffrer ses dires. Elle l'a entendu dire, avec ce qu'Allah a comblé, avec ce qu'Allah a comblé, comme prophète, comme très véridique, comme martyr et comme pieux, et quelle bonne compagnie que cela. Aïcha connaissait le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les prophètes avant de reprendre leur âme, on leur donne le choix. On leur donne le choix. Lorsqu'elle l'a entendu dire ça, elle a dit, فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ. Elle a dit, j'ai donc su à ce moment-là qu'on lui donnait le choix. J'ai su à ce moment-là qu'on lui proposait, qu'on lui donnait le choix. وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُنَا. Elle a dit, j'ai su qu'il ne nous avait pas choisi, mais qu'il avait plutôt choisi Jiwarullah. Il avait choisi la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Elle nous dit également, radiallahu anha, et de tout cela on tire le mérite de Aïcha. Et ses mérites sont bien trop nombreux pour pouvoir les énoncer en une conférence ou plusieurs, ou en ce bout de conférence et cette fin de conférence. Elle l'a également entendu dire, donc il y a le grand mérite de Aïcha ici, car c'est elle qui nous a rapporté tous ces derniers moments du prophète alayhi salat wa salam. Et là tu vois la place de l'épouse dans la vie de l'homme. C'est que même si c'est lui qui s'occupe d'elle, même si c'est lui qui dépense, même si c'est lui qui la protège, même si c'est lui qui, dans ses derniers moments, celle qu'il trouvera à ses côtés, c'est l'épouse pieuse et dévouée, l'épouse fidèle et endurante, comme le fut Aïcha radiallahu anha, et bien évidemment l'ensemble de ses épouses. Mais Allah azza wa jalla a décidé de faire briller Aïcha radiallahu anha dans ses moments les plus difficiles. Et qui peut savoir ce qu'a éprouvé dans ces moments-là Aïcha, dans cette grande peine, dans sa jeunesse? Rappelez-vous qu'elle était très très jeune radiallahu anha. Elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la. Oh Allah, pardonne-moi, aie pitié de moi, ou bien fais-moi miséricorde, et permets-moi d'atteindre la compagnie la plus haute. C'est-à-dire, le rang le plus haut, le rang des prophètes, très véridiques et autres. Et c'est rapporté par le Bukhari aussi. ici une grande leçon. Nous mentionnons la sira de qui? Du meilleur des messagers sallallahu alayhi wa sallam. La biographie la plus parfumée, la plus magnifique, la plus belle, la plus sensationnelle. La biographie remplie de piété, dépourvue de toute faute, dépourvue de tout péché. Un exemple dans toute phase de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons déjà mentionné et on se répète. Et malgré ça, il conclut cette noble vie par quoi? Par l'istighfar, par la demande de pardon à Allah Azza wa Jalla. Il demande pardon à Allah Azza wa Jalla. S'il en est ainsi pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné les fautes passées et foutues, qu'est-ce qu'on devrait faire nous de notre vivant avant de mourir, subhanallah? Multiplier l'istighfar. Bonne nouvelle à celui qui trouvera l'istighfar dans ses feuillets. Bonne nouvelle à celui qui aura multiplié l'istighfar et qui trouvera cela yawm al-qiyamah dans ses feuillets. L'istighfar, c'est l'habitude des gens pieux. Et certaines personnes remplies d'orgueil, lorsque tu leur dis astaghfirullah, demande pardon à Allah Azza wa Jalla, elles te disent qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis un pervers? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai... Subhanallah. Ça c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla qui finit sa vie en disant Allah maghfirni, Allah marhamni, ou Allah pardonne-moi, ou Allah fais-moi miséricorde. On doit le prendre pour exemple, on doit être humble, on doit demander pardon, même quand on pense ne pas être rempli de péché. Car en réalité, on est faible. En réalité, on est sujet à la faute. En réalité, on pêche de jour comme de nuit, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Allah maghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'a al-abrar. As-salam yaghfir lana wa li walidina wa li zawjatina wa li aqaribina wa li muslimin wa li muslimat. Demande donc à Allah Azza wa Jal de nous pardonner à tous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sa noble vie par ses da'awat, azimat, mubarakat, tayyibat. Allahumma ghfir warham wa alhiqni bil rafiqin. Parmi ces dernières paroles, ou Allah pardonne-moi et pitié de moi et élève-moi à la compagnie la plus haute, la meilleure des compagnies. Aïcha radiallahu anha nous dit, j'ai vu en songe trois lunes tombées dans ma maison. Trois étoiles ou trois lunes tombées dans ma maison. Elle dit, j'ai fait un rêve. Radiallahu anha. Wa ra'aytu fi ru'ya thalathata aqmar saqatat fi hijr. J'ai vu trois étoiles ou trois lunes tomber chez moi. Fa sa'altu Abu Bakr. J'ai donc demandé à Abu Bakr l'explication de mon rêve. Fa qala in sadaqat ru'yak, si ta vision est véridique, yudfanu fi baytiki khayra ahli al-ard. Il lui a dit, si ta vision est véridique, alors sache qu'on enterrera chez toi les meilleurs des gens. On enterrera chez toi les meilleurs des gens. Et ce hadith est rapporté par le même al-Hakim selon la parole de Aïcha, c'est un hadith mawquf. C'est un hadith, mawquf, la parole de Aïcha radiallahu anha. Et lorsque le roi sallam décéda et qu'il fut enterré chez elle, on a su que c'était une vision véridique et que c'était la première de ces lunes-là ou de ces étoiles-là. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle le voyait dans cet état, elle lui faisait ruqya, elle lui faisait dua. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's. Elle demandait à Allah la guérison. Et c'est ainsi que doit être les proches du malade, endurant, abandonner leur affaire à Allah, faire dua pour lui. C'est ainsi que doit être l'épouse, endurante, faire dua, faire ruqya, et se montrer forte, comme jamais. Se montrer forte, et aider l'homme autant que possible. À ce moment-là, l'homme, il n'aura plus la force de demander quoi que ce soit. Il n'aura plus la force de faire quoi que ce soit. Et il n'attendra que l'ange de la mort pour venir récupérer son âme. Nas'alullah husna al-khatima. On demande à Allah la bonne fin pour nous tous. Aïcha radiallahu anha nous dit, il s'est évanoui, puis il s'est réveillé. Il s'évanouit, puis se réveilla. Et son regard s'est dirigé vers le toit. Puis il a relevé sa tête alors qu'il était sur elle et qu'il avait sa tête entre son menton et sa poitrine. Sa vue s'est dirigée vers le toit. Il a relevé la tête vers elle. Aïcha radiallahu anha, cette noble femme radiallahu anha, la plus savante de la communauté, celle qui a été témoin des derniers souffles du prophète alayhi salatu wassalam, et on verra comment est-ce qu'elle décriva, comment est-ce qu'elle a décrit cet instant-là, inshallah, par la suite. Elle prenait la main du prophète alayhi salam, de son bien-aimé, de l'imam de la communauté, du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle prenait sa main, elle le mettait dans sa main. Elle prenait sa main dans sa main. Elle lui faisait ruqya, elle lui faisait dua, et à un moment elle s'évanouit. Puis il s'est réveillé, il a relevé la tête vers elle, son regard s'est dirigé vers le toit. Et il a tendu la main. Et il a dit, il a rafiq al-a'la, au plus haut, à la compagnie la plus haut. À la compagnie la plus haute. À la compagnie la plus haute. Et il a répété cela. Puis il a lâché sa main. Elle nous dit, thumma malat, malat yada. Puis sa main est tombée. Naam. Puis sa main est tombée. Et ce fut le dernier souffle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, radiallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala, en ses derniers souffles, en son dernier jour de vie, a uni entre eux, yani a fait en sorte que le prophète soit chez moi, d'entre toutes ses épouses, en mon jour, d'entre toutes ses épouses, sur moi, entre eux, mon cou et ma poitrine. C'est-à-dire qu'il est décédé sur elle, la tête sur elle. Et qu'il a mélangé entre nos salives. Subhanallah. Comment cela? Lorsque Abdurrahman est entré avec le siwak. Et qu'elle l'a pris, elle l'a coupé. Elle l'a mâché. Elle l'a préparé, elle lui a donné. Il s'est, yani, il l'a utilisé. Donc Allah Azza wa Jalla a uni entre leurs salives. Subhanallah. Ô combien sont magnifiques les paroles de Aïcha lorsqu'elle décrit cet instant. Et qu'elle immortalise ce moment qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé comme privilège. Car elle a été là et c'est la dernière qui a pu témoigner des derniers moments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aimé être là lors de son dernier souffle. Et elle a aimé être auprès d'elle pour ses derniers moments. Puis l'information est sortie. Puis l'information du décès du prophète alayhi salatu wassalam est sortie à l'extérieur. Quant à Abu Bakr, il était dans une de ses maisons secondaires, dans un endroit qu'on appelle Al-Aliya, Sulh. Et probablement qu'il était là-bas parce que le matin, ils ont vu le prophète sallam qui allait mieux. Ils pensaient qu'il allait mieux, qu'il allait guérir. C'est pour ça qu'il est parti dans sa maison secondaire, un peu éloigné Al-Medina. Les gens, à l'annonce de l'information, Al-Mughira était entré. Il était sorti. Et il avait dit, le messager d'Allah est décédé. Alors il y a eu un grand trouble à Médine. Et les gens ont fondu en larmes dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, Omar al-Khattab l'a croisé. Et il a dit à Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Omar al-Khattab s'est mis en colère. Et il lui a dit, Wallahi, ma mata Rasulullah. Je jure par Allah qu'il n'est pas mort. Falab'athannahu Allah. Falyuqatti'anna aidi rijal wa arjulahum. Wallahi, le messager d'Allah n'est pas mort. Allah va le ramener. Et il coupera les mains et les pieds de certains hommes. Il entendait par cela les hypocrites qui scrutaient cette occasion de semer le trouble à Médine. Et il y a une grande sagesse dans cette fermeté de Omar. Et dans cette prise de position de Omar. Parce que quand les hypocrites ont vu la position de Omar, ils ont fait marche arrière. Devant ce qu'ils auraient pu comploter. contre les croyants. Omar ibn Khattab aimait tellement le message d'Allah qu'il n'a pas supporté cette annonce. Et il n'a pas cru à cette annonce. Et il a dit, si j'entends une personne répéter cela, je le taperai de mon épée. Il a dit, Al-Mughira, tu as des doutes. Ne prononce plus cette parole, je n'entendrai personne répéter cette information sans le taper de mon épée que voici. Il est plutôt parti, il a été convoqué par Allah, tout comme Moussa avait été demandé par Allah auparavant. Il y restera 40 nuits et il reviendra infliger ce que méritent ces hommes qui prononcent ces paroles. Puis Abu Bakr, radiallahu anhu, a été informé de cela. Il est donc revenu. Il est rentré à la mosquée, il a vu Omar ibn Khattab s'adresser aux gens debout. Et il a parlé à personne. Mais il est parti vérifier l'information de ses propres yeux. Il est rentré chez sa fille Aïcha radiallahu anha. Dans cette grande confusion, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un vêtement. De là, celui qui décède, on lui ferme les yeux comme l'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le couvre. Il est rentré chez lui et il l'a vu couvert. Alors il a donc découvert son visage. Il est tombé sur lui. Subhanallah, vous imaginez? Le premier qui a cru en lui, son meilleur ami de longue date, il le voit, il l'a assisté, il l'a tout sacrifié pour l'islam et les musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu an Abi Bakr. Il découvre son visage, il voit que l'information est vraie. Il est tombé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a embrassé. Il l'a embrassé sur le front entre les deux yeux. Et il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est le comportement que doivent avoir les gens pieux à l'annonce du décès de leur bien-aimé. Il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mata Rasulullah. Il a dit, c'est à Allah qu'on appartient, et vers lui que se fera notre retour. Le messager d'Allah est décédé. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Il est retombé sur lui, il l'a embrassé à nouveau. Et il a dit, Wa Nabiya, ô notre prophète, il l'a embrassé à nouveau. Wa Khalila, ô celui qu'on a aimé le plus, il l'a embrassé à nouveau. Wa Safiya, il répétait ces mots, notre prophète, notre bien-aimé, la prunelle de nos yeux, et il pleurait, Abu Bakr radiallahu anhu. Puis il a dit, bi abi anta wa ummi ya nabi Allah. Je donnerai mon père et ma mère en rançon pour toi, messager, prophète d'Allah. Tibta hayyan wa mayyita. Oh combien tu es bon et pur. Mort et tu l'étais de ton vivant. De ton vivant et après ta mort, tu es ainsi. Amma al mautatu allati katab Allahu alayk faqad dhuqtaha. Quant à la mort qu'Allah t'avait inscrit et prescrit, certes, tu l'as goûté. Et Allah ne te fera pas goûter une seconde mort. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Puis Abu Bakr est sorti à la mosquée. Il y a trouvé Omar debout. Qui disait aux gens, Wallahi, ma mata Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Abu Bakr est entré à la mosquée, il a dit, Ayyuha al-Halif ala rislik, ô toi qui jure, prends du recul, attends, abstiens-toi. Mais Omar était dans un état où il ne pouvait pas se contenir devant ce grand malheur, devant cette grande difficulté. Il lui disait, arrête-toi, assis-toi, Mais Omar ne l'écoutait pas. Alors Abu Bakr s'est mis en face des gens, ou bien est monté sur le minbar. Il a alloué Allah subhanahu wa ta'ala, prononcé l'attestation de foi, et a dit au vous les gens. Alors les gens ont laissé Omar et se sont dirigés vers Abu Bakr. Et pendant qu'il avançait, un homme lui a dit, « Ya sahiba Rasulillah, amata Rasulullah ?» Quand Abu Bakr est sorti, un homme lui a dit, « Oh toi le compagnon du messager d'Allah !» Alors qu'ils sont tous ses compagnons, mais il connaissait la place de Abu Bakr parmi ses compagnons. « Oh toi le compagnon le plus particulier du messager d'Allah. Est-ce vrai que le messager d'Allah est mort ?» Il lui a dit, « Oui. » Il s'est adressé aux musulmans, radiallahu anhu, et leur a dit, Amma ba'd, faman kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Ô vous les gens, sachez que celui qui adorait Muhammad, ô vous les gens, que celui qui adorait Muhammad, sache que Muhammad est bel et bien mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Quant à celui qui adorait Allah, quant à Allah, lui c'est le vivant qui ne meurt jamais. Dans une autre version, dans la version de l'imam Bukhari dans son livre At-Tariq, il a dit, « فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ » Certes, Allah est dans l'élévation, certes, Allah est au-dessus des cieux, il est vivant et ne meurt pas. Puis il a lu des versets du Coran, « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ » Certes, tu mourras et ils mourront. Il a lu également, « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ » Afa imma taw qutil anqalabtum ala a'qabikum. Et Muhammad n'est qu'un messager parmi les messagers qui sont passés avant. Est-ce que s'il meurt ou s'il est assassiné, vous allez rebrousser chemin? Vous allez retourner sur vos pas? Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit, quand j'ai entendu ces versets, j'ai eu la certitude que le prophète sallam était bel et bien mort. Et mes jambes n'arrivaient plus à me supporter, je suis tombé au sol. Ils n'arrivaient plus à se lever, ils n'arrivaient plus à se porter. Alors les gens fondaient en larmes. Et on a entendu des pleurs et des bruits dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont eu la certitude que le prophète sallam était décédé. Les compagnons, certains ont dit, c'est comme si on n'avait jamais entendu ces versets. Lors de l'épreuve, on peut être loin de notre esprit des choses qu'on mémorise par cœur. Mais Allah Azza wa Jal facilite un pieux pour nous rappeler cela. Allah subhanahu wa ta'ala a affermi les compagnons et a raffermi Al-Madina et l'armée des musulmans et les pays musulmans par Abu Bakr. Par Abu Bakr, de par le rôle qu'il a eu ce jour-là. Il a vérifié l'information, il est venu à la mosquée alors que c'est l'époux de sa fille. C'est son meilleur ami, c'est le premier homme croyant, donc il est touché lui encore plus que les autres, subhanallah, et sa fille encore plus que les autres. Mais il a pris ce rôle, il a tenu ce rôle, il a été le meilleur de la communauté, le plus fort de la communauté sallallahu radiallahu anhu. وفات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب على الإطلاق. Le décès du prophète sallam, c'est le plus grand malheur. C'est la plus grande épreuve subie par les compagnons et par la communauté de manière générale. C'était un père miséricordieux et affectueux, vers lequel on revenait après Allah Azza wa Jal lors de problèmes, lors de questions, lors de soucis, lors de besoins, de fatawa et autres. Et il oriente. L'un d'entre eux venait à lui en disant, Halakti ya Rasulallah, je vais périr, je suis anéanti. Et il repartait avec le sourire. C'était un conseiller, c'était un messager, c'était un chef d'armée, c'était un père, un époux, c'était un ami, c'est un gouverneur doux et affectueux, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons craignaient grandement de se séparer du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À un point où l'un de ses servants est venu le voir et lui a dit à Rasulallah, lorsque je suis auprès de toi, je suis heureux. Mais quand je suis chez moi et je pense à toi, que je n'arrive pas à rester loin de toi, je viens à toi et à nouveau je suis bien. Mais je me suis rappelé la mort, la mienne et la tienne. Et j'ai très certainement su que lorsque tu mourras, tu seras élevé au rang des prophètes. Et moi, après ma mort, si Allah me fait entrer au paradis, j'ai bien peur de ne plus jamais te voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Et Allah révéla par la suite. وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, cela ou celui-ci sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les gens pieux. Et quelle bonne compagnie que ce. Un homme a dit au messager d'Allah, l'homme aime des gens mais il n'a pas les mêmes actions qu'eux. Le prophète sallam a dit, El mar'u ma'a man ahab, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Anas ibn Malik nous dit, nous ne nous sommes pas réjouis d'une nouvelle semblable à celle-ci depuis notre conversion à l'islam. Depuis qu'on a connu l'islam, il n'y a pas une nouvelle qui nous a réjouis plus que ce qu'on a entendu ce jour. C'est-à-dire l'homme sera avec ceux qu'il a aimés dans l'au-delà. Et il a dit, et moi je prends témoin que j'aime le messager d'Allah. J'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Et j'espère qu'Allah me mette avec eux même si je n'ai pas les mêmes actions. Et nous prenons Allah Azza wa Jal à témoin. Et les anges qui parcourent les assises de science. Et les autres qui assistent. Qu'on aime Allah Azza wa Jal. Et qu'on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on aime Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble des compagnons. Et qu'on espère qu'Allah Azza wa Jal nous permettra de suivre sa sunnah jusqu'à notre dernier souffle. Afin d'espérer du fait qu'on n'a pas pu dans ce bas monde être avec lui au mal qiyama. Et pouvoir le voir fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le khutbah appuyé sur un tronc. Puis une femme parmi les Ansar lui a fait un minbar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé ce tronc et s'est éloigné du tronc pour se mettre sur le minbar pour faire la khutbah. Quand le prophète sallam a fait la khutbah, après s'être éloigné du tronc, hanna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le tronc s'est mis à pleurer et à faire des sons comme le bébé fait. Alors le prophète sallam est descendu du minbar et il l'a serré contre lui et il l'a consolé comme on console le bébé. Le prophète sallam nous dit qu'il faisait cela de par ce qu'il entendait comme révélation auparavant. Subhanallah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah racontait ce hadith et il disait, ô vous les musulmans, le tronc qui pleure, qui ressent un manque devant le messager d'Allah, alors que c'est un tronc min al-jamadat, Vous, ô vous les croyants, vous êtes plus en droit de pleurer et que le messager d'Allah vous manque. Subhanallah. Et le prophète sallam a dit, j'aurais tant aimé voir mes frères. Les compagnons lui ont dit, ne sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah? Il leur a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont les musulmans et les musulmanes. Mes frères sont ceux qui viendront après moi et qui vont croire en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Allahu Akbar. Donc vous êtes ses frères. C'est la plus grande musiba qui a touché la communauté. Le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait par la suite d'utiliser, il nous disait après sa mort, d'utiliser ce grand événement, car c'est le plus grand malheur, pour nous consoler lors de malheur. Un décès. Le décès d'une personne que tu aimes. De la maman. De l'enfant. La séparation avec l'être aimé. La maladie de l'être aimé et autres malheurs. Le prophète sallam nous dit, إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَتَذَكَّرْ مُصِيبَتَهُ بِهِ. Le prophète sallam disait, lorsque l'un d'entre vous est touché par un malheur, qu'il se rappelle son malheur en moi. Qu'il se rappelle mon décès. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَابِ. Pourquoi? C'est le malheur le plus grand. Donc ça va t'aider à penser tes plaies. Ça va t'aider à supporter, car tout malheur sera forcément en dessous du malheur de la séparation définitive dans ce bas monde avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de la place de l'épouse dans la vie des derniers, dans la vie de l'homme lors de son décès. Parlons maintenant de la place de la vie du père dans la vie de la place du père dans la vie de la fille. Fatima, radiallahu anha, a reçu l'annonce du décès de son père. Quelle fut sa position? Quel fut son comportement, radiallahu anha? Et dans l'étude de la mort du prophète sallam, il y a une leçon pour tout le monde. Que tu sois un enfant, que tu sois un père, que tu sois un époux, que tu sois une épouse, que tu sois une fille, que tu sois... Il y a une leçon pour tout le monde. Qu'un ami, un croyant, un musulman, il y a une leçon pour tout le monde. Fatima radiallahu anha a reçu la nouvelle. Elle s'est dirigée vers son père et a dit, wa abata ajaba rabban da'a wa abata min jannatil firdausi ma'wa ya abata ila jibril nan'a. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous rapporte quelles furent les paroles, les belles paroles de Fatima radiallahu anha lors de l'annonce du décès de son père. Et on a vu qu'elle venait, qu'elle souffrait par ses souffrances et qu'elle était grandement affectée de par ses souffrances, mais elle se montrait endurante. Et tout comme ses épouses prenaient soin de lui, elle prenait soin de lui. Elle est venue et a dit, oh mon père, il a répondu à l'appel de son Seigneur qui l'a appelé. Ô mon père, ajab rabban da'a. Subhanallah. On verra parmi les leçons, lorsque Abou Bakr a parlé aux musulmans, lorsque Fatima a parlé ici, ainsi de suite, que at-tawhid est la seule chose qui dissipe la tristesse en réalité. Abou Bakr a réglé le problème et a soigné le cœur des croyants par deux choses. La connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs est tawhid. Le nom d'Allah est al-hayy. Et l'attribut d'Allah, la yamut. Et par la lecture du Coran. Quant à Fatima, elle s'est soumise au décret d'Allah par la mention de tawhid al-rububiyya. Et la foi au retour vers Allah. Abu Bakr a dit, celui qui a adoré Mohammed, Mohammed est mort. Celui qui adore Allah, Allah est le vivant qui ne meurt pas. Ainsi, il a montré que le seul qui mérite d'être adoré, pour lequel on doit encore rester fort, endurant, c'est Allah Azza wa Jalla. Le seul qui mérite l'adoration. Puis il a resté le Coran. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, il y a une grande leçon ici. c'est que c'est avec le Coran qu'il faut soigner les plaies des gens. Quand les gens ont des problèmes, il faut leur lire le Coran. Certains disent pour aller voir le psychologue, certains disent, subhanallah, le Coran. On a tout dans le Coran. J'ai des problèmes, j'arrive pas, le Coran. Reviens au Coran. Récite le Coran. Médite le Coran et tu pourras supporter n'importe quelle épreuve, n'importe quelle douleur, n'importe quel malheur. El Coran. C'est avec ça qu'il faut soigner les plaies des gens. Et on voit que Fatima radiallahu anha, dans la douleur que personne ne peut imaginer, sauf la personne qui a la femme qui a perdu son père, mais elle ne pourra pas atteindre ce rang parce que personne n'a pour père parmi nous, comme femme, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On répète, wa abata ajaba rabban da'a. Oh mon père, il a répondu à un Seigneur qui l'a appelé. Ça, ça soigne, ça console. Le fait de savoir qu'il n'a pas choisi, mais que c'est le décret d'Allah Azza wa Jal sur lui. Le fait qu'il ait un Seigneur qui décide de tout, qui élève, qui rabaisse, qui donne la vie et la reprend. Ben quand on sait qu'on a un Seigneur qui donne la vie et qui donne la mort, on sait que ça vient d'Allah, on se soumet à lui. On se soumet, on accepte. Puis elle s'est rappelée la finalité de son père. Wa abata min jannatil firdaus ma'wa. Il aura comme finalité, comme demeure éternelle et finale, le plus haut niveau du paradis, al firdaus. Donc lorsque le croyant décède, rappelle-toi qu'il est décédé sur la ilaha illallah, sur al-tawhid, ou bien sur la sunnah. Abdullah ibn al-Imam Ahmed a perdu un ami. Il pleurait, il était très triste. Son père, il lui a dit, Akana ala sunnah, est-ce qu'il était sur la sunnah? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors ne t'attriste pas. Alors ne t'attriste pas, Allahu Akbar. Celui qui meurt sur la sunnah, ne t'attriste pas pour lui. Il a ala khayr, il a réussi son épreuve, bi'idhnillah azza wa jal. Na'am. Et il disait, le pervers parmi les gens de la sunnah, il est au paradis. Il est au paradis. Subhanallah. Ce jour-là, Abu Bakr a parlé aux croyants, ils se sont réunis, puis ils ont vu la dangerosité de laisser un état sans gouverneur. Alors les Ansar se sont assis dans leur lieu de réunion et ils ont commencé à discuter de cela. Et ils ont parlé de Saad. Et ils ont parlé, ils ont dit que ce serait bien que Saad soit à la tête. Alors un homme les a vus discuter, il est parti voir les grands compagnons et leur a dit, et réunissez-vous vite avant qu'il n'arrive un malheur dans la communauté. Et Ansar sont en train de discuter. Abu Bakr s'est empressé de se rendre auprès d'eux. Et il leur a dit, que faites-vous? Et ils ont dit, il faut qu'on désigne quelqu'un, et nous sommes la majorité, et ceci et cela. Et là, Omar leur a dit, est-ce que l'un d'entre vous oserait s'avancer devant Abu Bakr? Puis ils se sont rappelés les hadiths et ils se sont consultés. Ils se sont rappelés que le gouverneur devait être parmi les muhajirines. Et il devait être de Quraysh, une boutonnée Quraysh. Alors Abu Bakr a pris la main de Omar et a dit, Omar, c'est toi qui mérites ce rang. Prête allégeance à Omar. Omar a dit, jamais, alors que tu es là, tu es plus en droit à cette affaire. Puis il a pris la main de Abu Bakr et il lui a prêté allégeance. Et il a dit, oh vous les gens, Allah Azza wa Jal a mentionné la jannah du Prophète sallam dans le Coran. Et il a dit, ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن. Le deuxième de deux, lors de l'égir, alors qu'ils étaient dans la grotte, ne sois pas triste. Le message d'Allah a dit à son compagnon, qui est ce compagnon? Ils ont dit, c'est Abu Bakr. C'est Abu Bakr. Puis il a mentionné les mérites de Abu Bakr. Puis il a dit, qu'est-ce qui pourrait prendre cette place devant Abu Bakr? Puis il a prêté allégeance et les musulmans se sont suivis et ils ont tous prêté allégeance à Abu Bakr, même Ali ibn Abi Talib, dans des blesses aux chiens. Le lendemain, donc le Prophète est décédé le matin du lundi au lever du soleil. Fi waqti dhuha. Chez Aïcha, sa tête sur elle, radiallahu anha. Le lendemain, le mardi, au Muthulatha, ils ont commencé à préparer ses funérailles. Ils ont préparé ses funérailles. Ils ont commencé à le préparer, mais ils sont tombés sur une problématique, qui est, est-ce qu'on va dévêtir le roi Salem et le laver comme on lave nos morts, ou est-ce qu'on va le laver en lui laissant ses vêtements, en versant l'eau par-dessus? C'est alors qu'Allah Azzawajal les a plongés dans un sommeil, jusqu'à ce que chacun ait son menton sur sa poitrine. Et ils ont entendu une voix dans un coin de l'appartement dire, lavez-le d'au-dessus de ses vêtements. C'est-à-dire sans le dévêtir. Alors, il fut lavé par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Mais ça, c'est un des grands mérites de Ali ibn Abi Talib. C'est que c'est celui qui a lavé le prophète alayhi salatu wassalam, accompagné de Al-Fadl ibn Abbas. Ali ibn Abi Talib, c'est son cousin, le fils de Abd al-Muttalib. Pardon, de Abu Talib. Le fils de Abu Talib. Et Al-Fadl, c'est le fils de son autre cousin, le fils de l'Abbas. D'accord? Le frère de Abdullah ibn Abbas. Donc Ali l'a lavé, Al-Fadl avec lui l'a aidé. Et d'autres ont été mentionnés comme Oussama, comme un servant du prophète sallam, Allahu alayhi ala kulli hal, ce sur quoi il n'y a pas de doute, Ali ibn Abi Talib et Al-Fadl ibn Abbas. Puis ils l'ont mis dans le linceul, donc probablement que par la suite les vêtements ont été enlevés. Ali ibn Abi Talib dit qu'il a regardé sur le corps pour voir ce qu'on voit du défunt, comme changement et autres. Et il dit que le prophète sallam, son corps n'avait pas bougé d'un poil. C'est ainsi que sont les corps des prophètes, ils ne bougent pas. Et même dans la terre, ils ne bougent pas. Allah Azza wa Jalla interdit à la terre de consommer leur peau et leur corps. Pour finir, une histoire très étonnante. Avant cela, un homme avait voyagé, avait fait l'Égypte jusqu'à Médine pour obtenir la noblesse de Sohba, pour devenir un sahabi. Il a voyagé, il a enduré. Et il nous dit, lorsque je suis arrivé à la porte de Médine, j'ai entendu du bruit. Et lorsque je suis arrivé à la mosquée, j'ai entendu du bruit et des pleurs. Alors j'ai demandé, que se passe-t-il? Et on m'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Allahu Akbar. Il n'est pas arrivé à temps pour devenir un sahabi. C'est-à-dire rencontrer le roi sallam de son vivant en étant croyant. Ça, c'est la définition du sahabi. Et ça, c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde à qui. Mais il fait plutôt partie des grands tabi'in qui a pris la science de sahab. Cet homme-là s'appelle Abu Dwayl al-Hudhali, c'est un grand poète. Son prénom est Khalid ibn Khuwaylid. Khalid ibn Khuwaylid. D'autres ont dit Khuwaylid ibn Khalid. Il y a beaucoup encore à dire, mais la plupart des choses ont une fin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté la sienne. Il ne faut pas que... Donc c'était notre dernier cours de sirah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Il ne faut pas que ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois, cette année d'études de sirah partent en vain sans en tirer des leçons. Mais il faut qu'à travers l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on tire les nobles leçons de la vie du meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre à le connaître, le suivre, l'aimer, adorer Allah Azza wa Jal comme il l'a fait, augmenter notre foi, le prendre comme exemple dans toutes les phases de sa vie. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Donc voici notre dernier cours de sirah. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos faibles efforts dans la propagation de la science de nos savants. وَسَأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَايِخِنَا ولمن له فضل علينا Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a certaines erreurs dans certains cours. Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous prête vie, j'essayerai, je demande à mes frères aussi de faire la même chose, d'écouter et de noter les erreurs, afin qu'on puisse corriger ce qui est corrigeable sur le site et qu'on note les erreurs afin que les musulmans ne prennent pas les erreurs comme les erreurs mentionnées dans la récitation de versets ou de hadith ou de traduction ou autre. Et la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis parfaitement sujet à l'erreur. Et tout ce qui a été de bien, tous les bons moments, c'est grâce à Allah azza wa jalla. Tout ce qui a été dit de mal et comme erreur, c'est dû à moi et au shaytan. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.